terre. La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Hey, Tali Takumi, jeune fille, lève-toi, je te l'entame. Hey, impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. Cinq pains et deux poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Il est présent.